des salaires de nourriture. J'hume les parfums alimentaires. Je mâche avec des involtures tout ce qui passe dans ma sphère. La mastication est mon passe-temps. Humer, déglutir, avaler, tout est bon à me mettre sous la dent. Même l'estomac dilaté, j'arrive à digérer. Jamais je ne suis repu. Tout ce qui se voit doit être bu. Comme mon démon Belzébuth, manger est mon seul but. Tout ce qui se mange me fait envie. Je salive ma prochaine bouchée. Toute friandise est un parfum de désir, comme l'effusion d'une nuit torride. Je collabore à mon gavage, à une mastication astronomique. Tel un drogué en manque de sevrage, je suis voué à une dégustation hystérique. Jamais je ne suis repu. Tout ce qui se voit doit être bu. Comme mon démon Belzébuth, manger est mon seul but. Jamais je ne suis repu. Tout ce qui se boit doit être bu. Comme mon démon Belzébuth, manger est mon seul but. Jamais je ne suis repu. Tout ce qui se boit doit être bu. Comme mon démon Belzébuth, manger est mon seul but.